Et là-dessus, Paulinette, la grosse marchande d'escargotiales, renchérit. Faut pas exagérer quand même. Ils sont bien gentils, ces parigots. Mais ils rêvent, peu cher. Pour la deuxième fois, Chichi s'est avancé dans le couloir, d'un air sentencieux, l'œil mauvais, rivé sur cette boule qui brille sous les reflets du soleil couchant et semble le défier devant ses amis. Il a savamment balayé les gratons autour, tracé un petit trait devant et regagne le rond en demandant autoritairement à la foule de s'écarter un peu, pas trop, de façon que tout le monde puisse voir et dire un jour prochain, moi, j'y étais ce jour-là. Un dernier regard foudroyant aux adversaires qui commencent à trouver le temps long. Puis l'artiste ajuste sa casquette d'un geste précis et mesuré. Chichi fait sauter la boule 3 fois dans sa main, comme pour mieux la soupeser. Puis il vise méthodiquement d'un œil l'intruse qui va le faire roi. Tout le monde retient son souffle. La ville entière se fige. Un deuxième ange passe.